Ça fait. Hey. Sur le track, je m'évade, gros clandestin dans l'industrie, je puis dans la cale, le navire danse sur les vagues, brûle leurs frontières, je traverse la planète sans visa, majorité invisible, parmi des milliards de visages, pas en visite, je déforme le paysage, mais le groove dans les tragédies, j'ouvre une fenêtre sur le monde à travers mes disques, loin du rivage, c'est ça la contrée où le game comate. Paraît que nos jours sont comptés, j'ai toujours été nul en maths, puis monté sur une batterie sans peser le pour et le contre, rappé, à qui veut l'entendre ce que mes cicatrices racontent, revendique. Cicatrice, musique pour toucher nos rêves, que des tirs cadrés. Ici les murs ont des oreilles, je leur mets un beat vibré. Sur le track, j'm'arrache, gros clandestin dans l'industrie. J'suis sur les ondes, ma musique passe les barrages, brûle leurs frontières. C'est le thème abordé. Y'a le désespoir qui crache sa chanson de merde sur sa guitare désaccordée. Y'a la révolte qui tarde, les erreurs sont nos meilleurs profs. J'sors les rêves du mitard, le ventre vide, j'écris de meilleures strophes. Coincé quelque part entre Mesrine et Gandhi, j'admets mes fautes. J'étais mauvais bandit, j'suis devenu poète par défaut. Très loin des fauves, j'suis chez moi où j'pose mes gazelles. Les mots, les faux, j'vois le schéma, j'parcours le monde de A à Z. Cinéma pour aveugles, sans limite autorisée. Pas là pour sauver l'orphelin, la veuve, l'espoir est motorisé. Se réveille un avenir. Toute ma vie, tu as su me retenir. Au bout du chemin se refait l'histoire. La balle des chemins sont pavés d'espoir. Je suis sans frontières. Non, rien ne peut plus me retenir. Tu m'avais dit que je ne quitterai jamais les lignes de mon rang. Tu m'avais dit le sort d'un homme, ce n'est qu'une histoire de sang. Tu m'as tout appris, oh, tout sauf les rêves que tu ne t'avoues pas. Je connais pas tes frontières. Non, mais je t'oublie pas dans mes prières. T'as fait ce que t'as pu, oh, oh. Je prends un peu de toi et j'irai au-delà. Mais t'as fait comme t'as pu, oh, oh, oh. Je prends un peu de toi et j'irai au-delà. Moi ici se réveille un avenir. Toute ma vie tu as su me retenir. Au bout du chemin se refait l'histoire. La part des chemins sont pavés. Je suis sans frontières.